là c'est fini. Ils ont peur pour leurs petits. Faut amasser, ramasser. C'était bien placé. Pourquoi se priver, hey. Si t'es près du feu, tu te chauffes. Quand t'es près du feu, tu te chauffes. Tout doucement, tu nous échappes. Tu t'es près du feu, tu te chauffes. Thank you. génial. J'adore. Perso, j'adore. Thanks, Bluesy. Ah bah oui, je kiffe, c'est trop cool. Et du coup, ça, je le mets sur Twitch. Du coup, si jamais tu veux pas te faire chier à tout décompresser chez toi pour écouter, si jamais t'as envie de réécouter, ou alors juste mettre un follow. Si tu mets un follow, un jour, j'aurai une bande passante meilleure. Et ce sera cool. J'aurai des meilleurs Twitch. Et on pourra tous avoir une communauté extraordinairement grande de gens sur Ninjam. Ce sera super. La descente, non, on va se soigner de la descente, on essaye d'en faire un effort. Ou alors même, on tente un truc majeur, mais moi je suis pas fort. Thank you. Troisième accord, il me fait sortir de la tonalité que j'ai choisie, donc du coup c'est moche, je suis désolé, je trouve pas de solution. Une solution, ce serait que je sache jouer du piano, mais malheureusement c'est pas encore le cas. marche pas. Sorry, je suis désolé, je recommence, je suis désolé. That you've joined. Bye, everyone.